Ésaïe chapitre 8. Et l'Éternel me dit, prends-toi un grand rouleau, et y écris avec une touche, en grosses lettres, qu'on se dépêche de butiner, il hâte le pillage. De quoi je prie avec moi des témoins fidèles, savoir, Uri le sacrificateur, et Zachari, fils de Gébéréchia. Puis je m'approchai de la prophétesse, laquelle conçut, et enfanta un fils. Et l'Éternel me dit, appelle son nom Maïr-Salal-Abaz. Car avant que l'enfant sache crier, mon père, et ma mère, on enlèvera la puissance de Damas, et le butin de Samarie, devant le roi d'Assur. Et l'Éternel continua encore de me parler, en disant, parce que ce peuple a rejeté les eaux de Siloé qui vont doucement, et qu'il s'est réjoui de Retsin, et du fils de Remalja. Pour cette cause, voici, le Seigneur s'en va faire venir sur eux les eaux du fleuve, fortes et grosses, savoir, le roi d'Assur, et toute sa gloire, et ce fleuve montera par-dessus tous ses courants d'eau, et ira par-dessus tous ses rives. Et il traversera en Juda, et se débordera, et passera tellement qu'il atteindra jusqu'au cou, et les étendues de ses ailes rempliront la largeur de ton pays, ô Emmanuel. Peuple, alliez-vous, et soyez froissés, et prêtez l'oreille, vous tous qui êtes d'un pays éloigné, équipez-vous, et soyez froissés, équipez-vous, et soyez froissés. Prenez conseil, et il sera dissipé, dites la parole, et elle n'aura point d'effet, parce que le Dieu fort est avec nous. Car ainsi m'a dit l'Éternel avec une main forte, et il m'a instruit de n'aller point par le chemin de ce peuple-ci, en me disant, ne dites point, conjuration, toutes les fois que ce peuple dit, conjuration, et ne craignez point ce qu'il craint, et ne vous en épouvantez point. Sanctifiez l'Éternel des armées, lui-même, et qu'il soit votre crainte, et votre épouvantement. Et il vous sera pour sanctuaire, mais il sera une pierre d'achoppement, et un rocher de trébuchement aux deux maisons d'Israël, en piégeant la cause habitants de Jérusalem. Et plusieurs d'entre eux trébucheront, et tomberont, et seront froissés, et seront enlacés, et seront pris. Empaquette le témoignage, cachette la loi parmi mes disciples. J'attendrai donc l'Éternel, qui cache sa face de la maison de Jacob, et je m'attendrai à lui. Me voici, avec les enfants que l'Éternel, m'a donné pour être assigné un miracle en Israël, de par l'Éternel des armées, qui habite en la montagne de Sion. Que s'ils vous disent, enquérez-vous des esprits de Python, et des diseurs de bonne aventure, qui gazouillent et grommellent, répondez, le peuple ne s'enquerra-t-il point de son Dieu? Allez pour les vivants aux morts, à la loi, et au témoignage. Que s'il ne parle selon cette parole-ci, certainement il n'y aura point de lumière pour lui, et il sera errant sur la terre, étant endurci et affamé, et il arrivera que dans sa faim il se dépitera, et maudira son roi et son Dieu, et il regardera en haut. Puis il regardera vers la terre, et voilà la détresse, et les ténèbres, une effrayante angoisse, et il sera enfoncé dans l'obscurité. Car il n'y a point une obscurité épaisse pour celle qui a été affligée, autant que le premier se déchargeait légèrement, vers le pays de Zabulon et vers le pays de Nephtali, et que le dernier s'appesantit sur le chemin de la mer, au-deçà du Jourdain dans la Galilée des Gentils.